Je me sens baisé de la vie comme quand pute te dit c'est trop tard pour ne plus être père. Un avenir dans un chèque repas. Fin du mois tout le monde perd du poids. Nage en brasse en plein de tsunami. Survie je vis au rang noir dans la corrida. En temps de guerre n'y a aucune étreinte. Tue tout le monde même les femmes enceintes. Dans un chlorac en méditation. Je vis des jours heureux dans lumière éteinte. Y'a qu'à la muscu que je mets un genou à terre. Car central à la rue j'étais locataire. Depuis je fais du sale y'a plus de clémence. Je vis d'universal et de mes redevances. Perpétuelle éjaculation, dans orifice de pute en excitation. Succession d'accumulation, je respecte plus les règles, même celles de ces menstruations. Beaucoup d'appels mais si peu d'élus, m'en bat les couilles des buts tant que ça pas payé. Tu passes à la télé mais t'es pas connu, en gros tu prends dans le cul mais t'es pas pédé. Angle droit comme la lettre L, rappeur à Wu-Tang dans les jeunes. Je fais du sale, j'ai de la verdure avant, comme ceux dont la chair est couleur ébène. Loin des plages ensoleillées, j'ai su trouver sommeil. Le cœur sur une plaque allumée, j'écoute Agnès Obel. J'écoute Agnès Obel. Le cœur sur une plaque allumée, j'écoute Agnès Obel. J'écoute Agnès Obel. Le cœur sur une plaque allumée, j'écoute Agnès Obel. En fait, le truc, c'est que je n'avais pas de flouze. Je faisais du peur appuyé par le couze. Souvent défoncé, je compte les sous dépensés dans ma douze. Égout, sodome, sodose, dose, dose. Les mecs au quartier parlent de barrières. Musique pour braquer, pas trop tard il est. J'hésite à faire ce bison de deux. Mais j'me dis pour m'y lever, j'risquais la tôle. No, no, ventre creux sans une, le cœur qui va. Batterie faible indique le Toshiba. J'me dis qu'il vaut mieux que j'fasse des prods. Les ventres, mec qui pose, qui sait, ça me fera des lobes, lobes, lobes. J'postule dans les shops, j'suis autorem. Putain, j'ai même dû enlever ma boucle d'oreille. Ce fils de pute ne voulait pas d'idem. Si j'n'avais pas le profil, non, j'étais qu'un négro. No, no, j'mette donc les plombs, j'craque. J'prends le gun, j'braque sans me faire pécho. J'suis retenu. Le autre petit billet, petit boulot pour M, j'ai oublié. J'tape donc les sons crack, son son calque, son père qui est chaud. J'suis refait signé au très gros billet. Petit boulot pour M, j'ai oublié. Yeah, yeah. Quelques mois plus tard, j'suis dans l'arène à faire du sale vide. Appelle-moi plus tard, j'n'ai plus le temps pour toi, m'avait-elle dit. Loin des plages ensoleillées, j'ai su trouver sommeil. Le cœur sur une plaque allumée, j'écoute Agnès Obel.